Chapitre 4 du livre 7 de Notre-Dame de Paris. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Notre-Dame de Paris par Victor Hugo. Livre 7. Chapitre 4. Ananke. Il advint que, par une belle matinée de ce même mois de mars, je crois que c'était le samedi 29, jour de Saint-Eustache, notre jeune ami l'écolier Jean Frollo du Moulin s'aperçut en s'habillant que ses grègues, qui contenaient sa bourse, ne rendaient aucun son métallique. « Pauvre bourse !» dit-il en la tirant de son gousset. « Quoi, pas le moindre petit parisis ? Comme les dés, les pots de bière et Vénus t'ont cruellement éventré. Comme te voilà vide, ridé et flasque, tu ressembles à la gorge d'une furie. Je vous le demande, messieurs Cicéro et messieurs Sénéca, dont je vois les exemplaires tout racornis et épars sur le carreau, que me sert de savoir, mieux qu'un général des monnaies ou qu'un juif du pont au changeur, qu'un écu d'or à la couronne vaut 35 quinzains de 25 sous, 8 deniers par ici chaque, et qu'un écu au croissant vaut 36 unzains de 26 sous et 6 deniers tournois pièces, si je n'ai pas un misérable liard noir à risquer sur le double 6. Or, consul Cicéro, ce n'est pas là une calamité dont on se tire avec des périphrases, des quamad modum, note, de même que, fin de la note, et des verum enim vero, note, mais la vérité, c'est que, fin de la note. Il s'habilla tristement. Une pensée lui était venue tout en ficelant ses bottines, mais il la repoussa d'abord. Cependant, elle revint, et il mit son gilet à l'envers, signe évident d'un violent combat intérieur. Enfin, il jeta rudement son bonnet à terre et s'écria « Tant pis ! Il en sera ce qu'il pourra. Je vais aller chez mon frère. J'attraperai un sermon, mais j'attraperai un écu. » Alors, il endossa précipitamment sa casaque à mahoître fourré, ramassa son bonnet et sortit en désespéré. Il descendit la rue de la Harpe vers la cité. En passant devant la rue de la Huchette, l'odeur de ces admirables broches qui tournaient incessamment vint chatouiller son appareil olfactif, et il donna un regard d'amour à la cyclopéenne rôtisserie qui arracha un jour au cordelier Calatagirone cette pathétique exclamation. « Veramente, queste rôtisserie sono cosa stupenda. » Note. Vraiment, ces rôtisseries sont choses stupéfiantes. Italien. Fin de la note. Mais Jean n'avait pas de quoi déjeuner, et il s'enfonça avec un profond soupir sous le porche du petit Châtelet. Énorme double trèfle de tours massives qui gardait l'entrée de la cité. Il ne prit pas même le temps de jeter une pierre en passant, comme c'était l'usage. À la misérable statue de ce Périnet Leclerc qui avait livré le Paris de Charles VI aux Anglais. Crime que son effigie, la face écrasée de pierre et souillée de boue, a expié pendant 3 siècles au coin des rues de la Harpe et de Bussy, comme à un pilori éternel. Le petit pont traversé, la rue Neuve-Sainte-Geneviève enjambée, Jean de Molendino se trouva devant Notre-Dame. Alors son indécision le reprit, et il se promena quelques instants autour de la statue de M. Legris, en se répétant avec angoisse « Le sermon est sûr, l'écu est douteux. » Il arrêta un bedeau qui sortait du cloître. « Où est M. l'archidiacre de Josin ?»« Je crois qu'il est dans sa cachette de la tour, » dit le bedeau, « et je ne vous conseille pas de l'y déranger, à moins que vous ne veniez de la part de quelqu'un comme le pape ou M. le roi. » Jean frappa dans ses mains. « Bé diable ! Voilà une magnifique occasion de voir la fameuse logette aux sorcelleries !» Déterminé par cette réflexion, il s'enfonça résolument sous la petite porte noire et se mit à monter la vis de Saint-Gilles qui mène aux étages supérieurs de la tour. « Je vais voir !» se disait-il chemin faisant. « Par les corbignoles de la Sainte Vierge, ça doit être chose curieuse que cette cellule que mon révérend frère cache comme son pudendum. On dit qu'il y allume des cuisines d'enfer et qu'il y fait cuire à gros feu la pierre philosophale. Bédieu, je me soucie de la pierre philosophale comme d'un caillou, et j'aimerais mieux trouver sur son fourneau une omelette d'œuf de Pâques au lard que la plus grosse pierre philosophale du monde. » Parvenu sur la galerie des colonnettes, il souffla un moment et jura contre l'interminable escalier par je ne sais combien de millions de charretées de diable, puis il reprit son ascension par l'étroite porte de la tour septentrionale, aujourd'hui interdite au public. Quelques moments après avoir dépassé la cage des cloches, il rencontra un petit palier pratiqué dans un renfoncement latéral, et sous la voûte, une basse porte ogive, dont une meurtrière, percée en face dans la paroi circulaire de l'escalier, lui permit d'observer l'énorme serrure et la puissante armature de fer. Les personnes qui seraient curieuses aujourd'hui de visiter cette porte la reconnaîtront à cette inscription, gravée en lettres blanches dans la muraille noire. J'adore Coralie. 1829. Signé Eugène. Signé et dans le texte. Ouf, dit l'écolier, c'est sans doute ici. La clé était dans la serrure. La porte était tout contre. Il la poussa mollement et passa sa tête par l'entr'ouverture. Le lecteur n'est pas sans avoir feuilleté l'œuvre admirable de Rembrandt, ce Shakespeare de la peinture. Parmi tant de merveilleuses gravures, il y a en particulier une eau-forte qui représente, à ce qu'on suppose, le docteur Faust et qu'il est impossible de contempler sans éblouissement. C'est une sombre cellule. Au milieu est une table chargée d'objets hideux, tête de mort, sphère alambique, compas, parchemin hiéroglyphique. Le docteur est devant cette table, vêtu de sa grosse houppelande et coiffé jusqu'aux sourcils de son bonnet fourré. On ne le voit qu'à mi-corps. Il est à demi-levé de son immense fauteuil. Ses poings crispés s'appuient sur la table, et il considère avec curiosité et terreur un grand cercle lumineux, formé de lettres magiques, qui brille sur le mur du fond comme le spectre solaire dans la chambre noire. Ce soleil cabalistique semble trembler à l'œil et remplit la blafarde cellule de son rayonnement mystérieux. C'est horrible et c'est beau. Quelque chose d'assez semblable à la cellule de Faust s'offrit à la vue de Jean quand il eut hasardé sa tête par la porte entrebâillée. C'était de même un réduit sombre et à peine éclairé. Il y avait aussi un grand fauteuil et une grande table, des compas, des alambics, des squelettes d'animaux pendus au plafond, une sphère roulant sur le pavé, des hippocéphales pêle-mêle avec des bocaux où tremblaient des feuilles d'or, des têtes de mort posées sur des vélins bigarrés de figures et de caractères, de gros manuscrits empilés tout ouverts sans pitié pour les angles cassants du parchemin. Enfin, toutes les ordures de la science et partout sur ce fouillis de la poussière et des toiles d'araignée. Mais il n'y avait point de cercle de lettres lumineuses, point de docteur en extase contemplant la flamboyante vision comme l'aigle regarde son soleil. Pourtant, la cellule n'était point déserte. Un homme était assis dans le fauteuil et courbé sur la table. Jean, auquel il tournait le dos, ne pouvait voir que ses épaules et le derrière de son crâne. Mais il n'eut pas de peine à reconnaître cette tête chauve à laquelle la nature avait fait une tonsure éternelle, comme si elle avait voulu marquer par un symbole extérieur l'irrésistible vocation cléricale de l'archidiacre. Jean reconnut son frère, mais la porte s'était ouverte si doucement que rien n'avait averti Dom Claude de sa présence. Le curieux écolier en profita pour examiner quelques instants à loisir la cellule. Un large fourneau, qu'il n'avait pas remarqué au premier abord, était à gauche du fauteuil, au-dessous de la lucarne. Le rayon de jour qui pénétrait par cette ouverture traversait une ronde toile d'araignée qui inscrivait avec goût sa rosace délicate dans l'ogive de la lucarne, et au centre de laquelle l'insecte architecte se tenait immobile comme le moyeu de cette roue de dentelle. Sur le fourneau étaient accumulés, en désordre, toutes sortes de vases, des fioles de grès, des cornues de verre, des matras de charbon. Jean observa en soupirant qu'il n'y avait pas un poêlon. « Elle est fraîche, la batterie de cuisine » pensa-t-il. Du reste, il n'y avait pas de feu dans le fourneau, et il paraissait même qu'on n'en avait pas allumé depuis longtemps. Un masque de verre que Jean remarqua parmi les ustensiles d'alchimie et qui servait sans doute à préserver le visage de l'archidiacre lorsqu'il élaborait quelque substance redoutable, était dans un coin, couvert de poussière et comme oublié. À côté, gisait un soufflet non moins poudreux et dont la feuille supérieure portait cette légende incrustée en lettres de cuivre. Spira, spera. Note. Souffle, espère. Fin de la note. D'autres légendes étaient écrites, selon la mode des hermétiques, en grand nombre sur les murs, les unes tracées à l'encre, les autres gravées avec une pointe de métal. Du reste, lettres gothiques, lettres hébraïques, lettres grecques et lettres romaines pêle-mêle, les inscriptions débordant au hasard, celles-ci sur celles-là, les plus fraîches effaçant les plus anciennes, et toutes s'enchevêtrant les unes dans les autres comme les branches d'une broussaille, comme les piques d'une mêlée. C'était en effet une assez confuse mêlée de toutes les philosophies, de toutes les rêveries, de toutes les sagesses humaines. Il y en avait une ça et là qui brillait sur les autres comme un drapeau parmi les fers de lance. C'était la plupart du temps une brève devise latine ou grecque, comme les formulait si bien le Moyen-Âge. Unde, inde, note. D'où, de là, fin de la note. Homo homini monstrum, note. L'homme est un monstre pour l'homme. Fin de la note. Astra, castra, nomen, numen. Note. Astre, camp, nom, divinité. Fin de la note. Meta biblion, meta kakon. Note. Calimac, fragment 359. Grand livre, grand mal. Fin de la note. Sapere aude. Note. Ose savoir. Fin de la note. Flat ubi vult. Note. Il souffle où il veut. Fin de la note. Etc. Quelquefois, un mot dénudé de tout sens apparent. Anagophaya. Note. Régime forcé de nourriture pour les athlètes. Cf. Aristote, Politique. 1339a. Fin de la note. Ce qui cachait peut-être une allusion amère au régime du cloître. Quelquefois, une simple maxime de discipline cléricale formulée en un hexamètre réglementaire. « Celestem dominum, terrestrem dicito domnum. » Note. « Dominum le Seigneur du ciel, Domnus celui de la terre. » Fin de la note. Il y avait aussi passim, note, ça et là, fin de la note, des grimoires hébraïques, auxquels Jean, déjà fort peu grec, ne comprenait rien, et le tout était traversé, à tout propos, par des étoiles, des figures d'hommes ou d'animaux, et des triangles qui s'intersectaient, ce qui ne contribuait pas peu à faire ressembler la muraille barbouillée de la cellule à une feuille de papier sur laquelle un singe aurait promené une plume chargée d'encre. L'ensemble de la logette, du reste, présentait un aspect général d'abandon et de délabrement, et le mauvais état des ustensiles laissait supposer que le maître était déjà, depuis assez longtemps, distrait de ses travaux par d'autres préoccupations. Ce maître, cependant, penché sur un vaste manuscrit orné de peintures bizarres, paraissait tourmenté par une idée qui venait sans cesse se mêler à ses méditations. C'est du moins ce que Jean jugea en l'entendant s'écrier, avec les intermittences pensives d'un songe creux qui rêve tout haut. Oui, Manu le dit, et Zoroastre l'enseignait. Le soleil naît du feu, la lune du soleil. Le feu est l'âme du grand tout. Ses atomes élémentaires s'épanchent et ruissellent incessamment sur le monde par courant infini, au point où ces courants s'entrecoupent dans le ciel. Ils produisent la lumière. À leur point d'intersection dans la terre, ils produisent de l'or. La lumière, l'or, même chose. Du feu à l'état concret. La différence du visible au palpable. Du fluide au solide pour la même substance. De la vapeur d'eau à la glace, rien de plus. Ce ne sont point là des rêves, c'est la loi générale de la nature. Mais comment faire pour soutirer dans la science le secret de cette loi générale? Quoi? Cette lumière qui inonde ma main, c'est de l'or. Ces mêmes atomes dilatés selon une certaine loi, il ne s'agit que de les condenser selon une certaine autre loi. Comment faire? Quelques-uns ont imaginé d'enfouir un rayon de soleil. Averroès. Oui, c'est Averroès. Averroès en a enterré un sous le premier pilier de gauche du sanctuaire du Coran, dans la grande mahomerie de Cordoue. Mais on ne pourra ouvrir le caveau pour voir si l'opération a réussi que dans 8000 ans. Diable, dit Jean à part lui. Voilà qu'il est longtemps à entendre un écu. D'autres ont pensé, continua l'archidiacre rêveur, qu'il valait mieux opérer sur un rayon de Sirius. Mais il est bien malaisé d'avoir ce rayon pur, à cause de la présence simultanée des autres étoiles qui viennent s'y mêler. Flamel estime qu'il est plus simple d'opérer sur le feu terrestre. Flamel, quel nom de prédestiné! Flamme! Oui, le feu, voilà tout. Le diamant est dans le charbon, l'or est dans le feu. Mais comment l'en tirer? Magistri affirme qu'il y a certains noms de femmes d'un charme si doux et si mystérieux qu'il suffit de les prononcer pendant l'opération. Lisons ce qu'en dit Manu. Où les femmes sont honorées, les divinités sont réjouies. Où elles sont méprisées, il est inutile de prier Dieu. La bouche d'une femme est constamment pure. C'est une eau courante, c'est un rayon de soleil. Le nom d'une femme doit être agréable, doux, imaginaire. Finir par des voyelles longues et ressembler à des mots de bénédiction. Oui, le sage a raison. En effet, la Maria, la Sophia, la Esmeralda. Damnation, toujours cette pensée. Et il ferma le livre avec violence. Il passa la main sur son front, comme pour chasser l'idée qui l'obsédait. Puis il prit sur la table un clou et un petit marteau dont le manche était curieusement peint de lettres cabalistiques. « Depuis quelque temps, dit-il avec un sourire amer, j'échoue dans toutes mes expériences. L'idée fixe me possède et me flétrit le cerveau comme un trèfle de feu. Je n'ai jamais seulement pu retrouver le secret de Cassiodore, dont la lampe brûlait sans mèche et sans huile. Chose simple pourtant. « Peste !» dit Jean dans sa barbe. Il suffit donc, continua le prêtre, d'une misérable pensée pour rendre un homme faible et fou. Oh, que Claude Pernelle rirait de moi, elle qui n'a pu détourner un moment Nicolas Flamel de la poursuite du grand œuvre. Quoi, je tiens dans ma main le marteau magique de Zéchielé, à chaque coup que le redoutable rabbin, du fond de sa cellule, frappait sur ce clou avec ce marteau, celui de ses ennemis qu'il avait condamné, eût-il été à 2000 lieues? S'enfonçait d'une coudée dans la terre qui le dévorait. Le roi de France lui-même, pour avoir un soir heurté inconsidérément à la porte du thaumaturge, entra dans son pavé de Paris jusqu'aux genoux. Celle-ci s'est passée il n'y a pas 3 siècles. Eh bien, j'ai le marteau et le clou, et ce ne sont pas des outils plus formidables dans mes mains qu'un hutin aux mains d'un taillandier. Pourtant, il ne s'agit que de retrouver le mot magique que prononçait Zéchielé en frappant sur son clou. Bagatelle, pensa Jean. Voyons, essayons, reprit vivement l'archidiacre. Si je réussis, je verrai l'étincelle bleue jaillir de la tête du clou. Amen Ethan, Amen Ethan. Ce n'est pas cela. C'est Géani, c'est Géani. Que ce clou ouvre la tombe à quiconque porte le nom de Phébus. Malédiction. Toujours, encore, éternellement la même idée. et il jeta le marteau avec colère. Puis il s'affaissa tellement sur le fauteuil et sur la table que Jean le perdit de vue derrière l'énorme dossier. Pendant quelques minutes, il ne vit plus que son poing convulsif crispé sur un livre. Tout à coup, Dom Claude se leva, prit un compas et grava en silence sur la muraille, en lettres capitales, ce mot grec. Ananke. Mon frère est fou, dit Jean à lui-même. Il eût été bien plus simple d'écrire Fatum. Note. Fatalité. Fin de la note. Tout le monde n'est pas obligé de savoir le grec. L'archidiacre vint se rasseoir dans son fauteuil et posa sa tête sur ses deux mains, comme fait un malade dont le front est lourd et brûlant. L'écolier observait son frère avec surprise. Il ne savait pas, lui qui mettait son cœur en plein air, lui qui n'observait de loi au monde que la bonne loi de nature, lui qui laissait s'écouler ses passions par ses penchants, et chez qui le lac des grandes émotions était toujours à sec, tant il y pratiquait largement chaque matin de nouvelles rigoles, il ne savait pas avec quelle furie cette mer des passions humaines fermente et bouillonne lorsqu'on lui refuse toute issue, comme elle s'amasse, comme elle s'enfle, comme elle déborde, comme elle creuse le cœur, comme elle éclate en sanglots intérieurs et en sourdes convulsions, jusqu'à ce qu'elle ait déchiré ses digues et crevé son lit. L'enveloppe austère et glaciale de Claude Frollo, cette froide surface de vertu, escarpée et inaccessible, avait toujours trompé Jean. Le joyeux écolier n'avait jamais songé à ce qu'il y a de lave bouillante, furieuse et profonde sous le front de neige de l'Etna. Nous ne savons s'il se rendit compte subitement de ses idées, mais tout évaporé qu'il était, il comprit qu'il avait vu ce qu'il n'aurait pas dû voir, qu'il venait de surprendre l'âme de son frère aîné dans une de ses plus secrètes attitudes, et qu'il ne fallait pas que Claude s'en aperçût. Voyant que l'archidiacre était retombé dans son immobilité première, il retira sa tête très doucement et fit quelques bruits de pas derrière la porte, comme quelqu'un qui arrive et qui avertit de son arrivée. « Entrez !» cria l'archidiacre de l'intérieur de la cellule. « Je vous attendais. J'ai laissé exprès la clé à la porte. Entrez, maître Jacques !» L'écolier entra hardiment. L'archidiacre, qu'une pareille visite gênait fort en pareil lieu, tressaillit sur son fauteuil. « Quoi, c'est vous, Jean ?»« C'est toujours un J !» dit l'écolier avec sa face rouge, effrontée et joyeuse. « Que venez-vous faire ici ?»« Mon frère !» répondit l'écolier en s'efforçant d'atteindre une mine décente, piteuse et modeste, et en tournant son bicoquet dans ses mains avec un air d'innocence. « Je venais vous demander... »« Quoi ?» Un peu de morale dont j'ai grand besoin. Jean n'osa ajouter tout haut, et un peu d'argent dont j'ai plus grand besoin encore. Ce dernier membre de sa phrase resta inédit. Monsieur, dit l'archidiacre d'un ton froid, je suis très mécontent de vous. Hélas, soupira l'écolier. Dom Claude fit décrire un quart de cercle à son fauteuil et regarda Jean fixement. « Je suis bien aise de vous voir. » C'était un exorde redoutable. Jean se prépara à un rude choc. « Jean, on m'apporte tous les jours des doléances de vous. Qu'est-ce que c'est que cette batterie où vous avez contu de bastonnade un petit vicomte Albert de Rangmonchamp ?»« Oh !» dit Jean. « Grand-chose !» Un méchant page qui s'amusait à escailloter les écoliers en faisant courir son cheval dans les boues. « Qu'est-ce que c'est, reprit l'archidiacre, que ce maillet farigel dont vous avez déchiré la robe ?»« Tornicam dequiravuentum, dit la plainte. « Ah bah, une mauvaise capette de Montaigu, voilà-t-il pas ?» La plainte dit « tunicam » et non « capetam ». Savez-vous le latin ? Jean ne répondit pas. « Oui, poursuivit le prêtre, en secouant la tête. Voilà où en sont les études et les lettres maintenant. La langue latine est à peine entendue, la syriaque inconnue, la grecque tellement odieuse que ce n'est pas ignorance au plus savant de sauter un mot grec sans le lire. Et qu'on dit « Graecum est non legitur ». Note. C'est du grec, ça ne se lit pas. L'écolier releva résolument les yeux. « Monsieur mon frère, vous plaît-il que je vous explique en bon parler français ce mot grec qui est là sur le mur ?»« Quel mot ?»« Ananke. » Une légère rougeur vint s'épanouir sur les jaunes pommettes de l'archidiacre, comme la bouffée de fumée qui annonce au dehors les secrètes commotions d'un volcan. L'écolier le remarqua à peine. « Et Jean ?» balbutia le frère aîné avec effort. « Qu'est-ce que ce mot veut dire ?»« Fatalité. » Dom Claude redevint pâle, et l'écolier poursuivit avec insouciance. « Et ce mot qui est au-dessous, gravé par la même main, « anagneia », signifie « impureté ». Vous voyez qu'on sait son grec. » L'archidiacre demeurait silencieux. Cette leçon de grec l'avait rendu rêveur. Le petit Jean, qui avait toutes les finesses d'un enfant gâté, jugea le moment favorable pour hasarder sa requête. Il prit donc une voix extrêmement douce et commença. « Mon bon frère, est-ce que vous m'avez en haine à ce point de me faire farouche mine pour quelques méchantes gifles et pugnalades distribuées en bonne guerre à je ne sais quel garçon émarmoussé ?»« Quibustam mormosetis. » Vous voyez, bon frère Claude, qu'on sait son latin. Mais toute cette caressante hypocrisie n'eut point sur le sévère grand frère son effet accoutumé. Cerbère ne mordit pas au gâteau de miel. Le front de l'archidiacre ne se dérida pas d'un pli. « Où voulez-vous en venir ? » dit-il d'un ton sec. « Eh bien, au fait, voici, répondit bravement Jean. « J'ai besoin d'argent. » À cette déclaration effrontée, la physionomie de l'archidiacre prit tout à fait l'expression pédagogique et paternelle. « Vous savez, monsieur Jean, que notre fief de Tirechappe ne rapporte, en mettant en bloc le sang et les rentes des 21 maisons, que 39 livres 11 sous d'ici deniers par ici. C'est moitié plus que du temps des frères Paclet, mais ce n'est pas beaucoup. « J'ai besoin d'argent. » dit stoïquement Jean. Vous savez que l'officiel a décédé que nos 21 maisons mouvaient en plein fief de l'évêché, et que nous ne pourrions racheter cet hommage qu'en payant au révérend évêque 2 marques d'argent doré du prix de 6 livres par ici. Or, ces 2 marques, je n'ai encore pu les amasser, vous le savez. Je sais que j'ai besoin d'argent, répéta Jean pour la 3e fois. Et qu'en voulez-vous faire ? Cette question fit briller une lueur d'espoir aux yeux de Jean. Il reprit sa mine chatte et douloureuse. Tenez, cher frère Claude, je ne m'adresserai pas à vous en mauvaise intention. Il ne s'agit pas de faire le beau dans les tavernes avec vos 11 ans et de me promener dans les rues de Paris en caparaçon de brocart d'or avec mon laquais. Comeo laquasio. Non, mon frère. C'est pour une bonne œuvre. Quelle bonne œuvre ? Demanda Claude un peu surpris. Il y a 2 de mes amis qui voudraient acheter une layette à l'enfant d'une pauvre veuve Audriette. C'est une charité. Cela coûtera 3 florins et je voudrais mettre le mien. Comment s'appellent vos 2 amis ? Pierre Lassommeur et Baptiste Croquoison. Dit l'archidiacre. Voilà des noms qui vont à une bonne œuvre. Comme une bombarde sur un maître-autel. Il est certain que Jean avait très mal choisi ses 2 noms d'amis. Il le sentit trop tard. Et puis, poursuivit le sagace Claude, qu'est-ce que c'est qu'une layette qui doit coûter 3 florins? Et cela pour l'enfant d'une Audriette? Depuis quand les veuves Audriettes ont-elles des marmots au maillot? Jean rompit la glace encore une fois. « Eh bien oui, j'ai besoin d'argent pour aller voir ce soir Isabeau la Thierry au Val d'Amour. »« Misérable, impur !» s'écria le prêtre. « Anarneia, dit Jean. Cette citation que l'écolier empruntait, peut-être avec malice, à la muraille de la cellule, fit sur le prêtre un effet singulier. Il se mordit les lèvres et sa colère s'éteignit dans la rougeur. « Allez-vous-en, » dit-il alors à Jean. « J'attends quelqu'un. » L'écolier tenta encore un effort. « Frère Claude, donnez-moi au moins un petit parisis pour manger. » « Où en êtes-vous des décrétales de Gratien ?» demanda Dom Claude. « J'ai perdu mes cahiers. Où en êtes-vous des humanités latines ?»« On m'a volé mon exemplaire d'Horatius. » « Où en êtes-vous d'Aristoteles ?»« Ma foi, frère, quel est donc ce père de l'Église qui dit que les erreurs des hérétiques ont de tout temps eu pour repère les broussailles de la métaphysique d'Aristoteles ?»« Foin d'Aristoteles, je ne veux pas déchirer ma religion à sa métaphysique. » « Jeune homme, reprit l'archidiacre, il y avait à la dernière entrée du roi un gentilhomme appelé Philippe de Comines, qui portait brodé sur la houssure de son cheval sa devise, que je vous conseille de méditer. « Qui non laborat, non manducet. » Note. « Qui ne travaille pas, qu'il ne mange pas. » L'écolier resta un moment silencieux, le doigt à l'oreille, l'œil fixé à terre, et la mine fâchée. Tout à coup, il se retourna vers Claude avec la vive prestesse d'un hoche-queue. « Ainsi, bon frère, vous me refusez un sou par ici pour acheter une croûte chez un talmelier ?»« Qui non laborat, non manducet. » À cette réponse de l'inflexible archidiacre, Jean cacha sa tête dans ses mains. Comme une femme qui sanglote, et s'écria avec une expression de désespoir. « Oh, to-to-to-toi !» Note. Interjection, marquant la douleur. Hélas, hélas. Fin de la note. « Qu'est-ce que cela veut dire, monsieur ?» demanda Claude, surpris de cette incartade. « Eh bien quoi ?» dit l'écolier. Et il relevait sur Claude des yeux effrontés, dans lesquels il venait d'enfoncer ses poings, pour leur donner la rougeur des larmes. « C'est du grec, c'est un anapeste d'Achillès qui exprime parfaitement la douleur. » Et ici, il partit d'un éclat de rire si bouffon et si violent qu'il en fit sourire l'archidiacre. C'était la faute de Claude, en effet. Pourquoi avait-il tant gâté cet enfant? « Oh, bon frère Claude !» reprit Jean, enhardi par ce sourire. « Voyez mes brodequins percés. Y a-t-il cothurne plus tragique au monde que des bottines dont la semelle tire la langue ?» L'archidiacre était promptement revenu à sa sévérité première. « Je vous enverrai des bottines neuves, mais point d'argent. »« Rien que pauvre petit parisis, frère, » poursuivit le suppliant Jean. « J'apprendrai Gratien par cœur. Je croirai bien en Dieu. Je serai un véritable Pythagoras de science et de vertu. » Mais un petit parisis par grâce. Voulez-vous que la famine me morde avec sa gueule, qui est là, béante devant moi, plus noire, plus puante, plus profonde qu'un tartare ou que le nez d'un moine ?» Dom Claude hocha son chef ridé. « Qui non laborat ?» Jean ne le laissa pas achever. « Eh bien, cria-t-il, ô diable, vive la joie ! Je m'en tavernerai, je me battrai, je casserai les pots et j'irai voir les filles. » Et sur ce, il jeta son bonnet au mur et fit claquer ses doigts comme des castagnettes. L'archidiacre le regarda d'un air sombre. « Jean, vous n'avez point d'âme. » « En ce cas, selon Épicurius, je manque d'un je ne sais quoi fait de quelque chose qui n'a pas de nom. » « Jean, il faut songer sérieusement à vous corriger. »« Ah ça !» cria l'écolier en regardant tour à tour son frère et les alambics du fourneau. « Tout est donc cornu ici, les idées et les bouteilles. » « Jean, vous êtes sur une pente bien glissante. Savez-vous où vous allez ?»« Au cabaret !» dit Jean. « Le cabaret mène au pilori. »« C'est une lanterne comme une autre, et c'est peut-être avec celle-là que Diogénès eut trouvé son homme. » Le pilori mène à la potence. La potence est une balance qui a un homme à un bout et toute la terre à l'autre. Il est beau d'être l'homme. La potence mène à l'enfer. C'est un gros feu. Jean, Jean, la fin sera mauvaise. Le commencement aura été bon. En ce moment, le bruit d'un pas se fit entendre dans l'escalier. Silence, dit l'archidiacre en mettant un doigt sur sa bouche. Voici maître Jacques. Écoutez, Jean, ajouta-t-il à voix basse. Gardez-vous de parler jamais de ce que vous aurez vu et entendu ici. Cachez-vous vite sous ce fourneau et ne soufflez pas. L'écolier se blottit sous le fourneau. Là, il lui vint une idée féconde. À propos, frère Claude, un florin pour que je ne souffle pas. Silence, je vous le promets. Il faut me le donner. Prends donc, dit l'archidiacre en lui jetant avec colère son escarcelle. Jean se renfonça sous le fourneau et la porte s'ouvrit. Fin du chapitre 4 du livre 7. Lu par J. Séguane, Montréal, juin 2010.